avec sa robe et ses fleurs, élixir de vin poussière, et son âme emportée ailleurs, renaquit en chant de lumière. Mais elle est gélie et fragile, dans la mort brisée doucement, en ses reclés, ses tempes débiles, d'impérissables diamants. Signe d'aide à cette place, seule parmi le sable blanc.